Chapitre 25e, Ourga, conseil de guerre, 17 septembre. Père de deux petites filles, Georgi Vassilievitch Zamok, le gouverneur destitué de la région de l'oblast de Kemerovo, était l'un des milliers de réfugiés venus se cacher à Ourga, une ville du nord, située à 90 km d'Arsikouchi, la capitale du Tokaristan. Ce raïon, ce district, était le dernier territoire de la région sous contrôle de la Fédération de Russie. Ce 17 septembre, 5 jours après l'offensive des islamistes contre Kemerovo, le gouverneur Zamok, expulsé de son palais avec épouse et enfant, logeait, grâce à la complicité de quelques partisans, dans une des ailes de la maison de la culture d'Ourga. C'était un bâtiment de l'époque soviétique, avec des colonnades néoclassiques et une façade peinte en ocre. Le maire avait installé le gouverneur, arrivé la veille, dans l'ancienne salle de solfège. Il y était à l'étroit mais à l'abri. La ville avait vu sa population tripler par l'afflux de rescapés provenant du sud de la province. Le commandant Verkhotourov, prévenu le 16 septembre de la présence de Georgi Zamok à Ourga, quitta Moscou dans la précipitation. Comme le lendemain après-midi, il avait un conseil de guerre se tenant non loin de la ville, il fit un détour pour rencontrer le matin le gouverneur Zamok, homme massif mais pas athlétique, vêtu d'un costume de couleur sombre, le teint pâle, les cheveux noirs. Il voulait savoir ce qui s'était passé à Kemerovo. Aux aurores, il se trouvait dans le bureau du directeur de la Maison de la Culture, où le diplomate l'avait rejoint. Hésitant au début, par peur d'être accusé de désertion et de manquement à ses devoirs, mais aussi pour ne pas ouvrir à nouveau des plaies loin encore d'être cicatrisées, Zamok trouva la ressource d'expliquer ce qui s'était produit lors de l'offensive des islamis à Rakhati Mukawama sur son oblast. Le 12 décembre, dit-il en soupirant, ils ont complètement changé leur stratégie. Jusque-là, ils pratiquaient des attaques sporadiques et de courte durée contre nos villes ou menaient des razzias contre nos villages. Leur seul fait d'armes avait été la prise de Medjurachensk, mais qu'ils avaient quitté d'eux-mêmes quelques semaines plus tard sans en être chassés. Le 12 septembre, il s'est produit tout autre chose. Verkhotourov tendit l'oreille. Zamok s'en aperçut et parla plus lentement. Il y avait des moudjahidines qui sortaient de partout, indiqua-t-il en faisant des gestes. Ils ont d'abord neutralisé sans difficulté le bataillon de la base militaire d'Olirask, qui repoussait pourtant avec succès leurs attaques depuis des mois. Lorsque nous nous sommes éloignés, comme d'habitude en pareil cas, de la zone des combats, nous avions une confiance totale en nos soldats. Nous étions certains que les djihadistes seraient vaincus par notre armée. Aussi avons-nous à aucun moment envisagé de rester pour lutter et défendre nos maisons. Verkhotourov, qui comprenait mieux après cette explication la fuite de la population, voulut savoir pour quelle raison le 12 septembre les forces armées russes n'avaient pu contenir l'assaut. À cette question, Zamok répondit, désespéré et furieux. « C'est simple, les trois commandants de la milice provinciale qui dirigeaient les forces supplétives de Kemerovo, de Novokouznetsk et de Prokovievsk détalèrent comme des lapins dès les premiers combats. Sans commandement, livrés à eux-mêmes, les miliciens furent désemparés. Voyant les djihadistes débouler de tous côtés et un déluge d'acier leur tomber du ciel, ils désertèrent. Ils abandonnèrent leurs armes, se débarrassèrent de leurs uniformes et se rendirent aux islamistes en les suppliant de leur accorder la clémence. Plusieurs combattants m'ont même avoué qu'ils n'avaient tiré aucun coup de feu. Nos villes n'ont pas été envahies, elles ont été livrées à l'adversaire. Moi, je n'ai rien pu faire. » Verkhotourov prenait des notes. Le gouverneur avait un grand besoin de raconter. Il suffisait de l'écouter. Le 14 septembre, soit 2 jours après le début de l'offensive, poursuivit Zamok, un ami m'a appelé. Il m'assurait que la ville était désormais sûre. Il me confia que l'occupant se montrait conciliant avec la population, qu'il respectait la confession de chacun. Ils avaient l'électricité, l'eau courante, la possibilité de circuler. À l'exception des patrouilles, la vie était redevenue normale. Les islamistes clamaient que leurs frères chrétiens n'étaient pas en danger, qu'ils étaient libres de vivre en paix dans leur maison et dans Kemerovo. Verkhotourov continua à écrire. Le gouverneur esquissa un sourire avant de reprendre, désabusé. Le 15 septembre, un ami m'a téléphoné pour m'avertir qu'on avait inscrit sur la devanture de son commerce « propriété de la République islamique », ainsi que la lettre N, pour les fidèles du Nazaréen, en cyrillique et encerclée de rouge. La serrure de son magasin avait été remplacée, tous les produits non halal donnés aux chiens et les bouteilles d'alcool vidées dans la rue. Le soir, les mêmes mots s'affichaient sur le mur du palais du gouverneur où nous résidions. Avec ma femme, nous préparâmes dans la hâte quelques affaires afin de quitter les lieux le lendemain, 16 septembre, dès l'aube. À 22 heures, nous fûmes réveillés par des insultes visant des chrétiens. De jeunes moudjahidines frappèrent à notre porte et nous contraignirent à évacuer immédiatement les lieux, menaçant de nous égorger si nous n'obtempérions pas. Nous n'avons pas demandé notre reste. Nous sommes montés en voiture, avons pris la route en direction du nord, vers Novosibirsk. Nous sommes arrivés ici, à Ourga, hier, dans la matinée. L'athlétique Verkhotourov leva la tête, posa son stylo et demanda « Comment vous en êtes-vous sorti? Comment avez-vous réussi à parvenir jusqu'ici ?» Surpris de la réaction du commandant qui se mettait à parler, Zamok répondit « Notre voyage nocturne fut périlleux. Avant d'atteindre cette ville, nous sommes tombés sur un point de contrôle islamiste. Ils ont arraché avec une grande violence les boucles d'oreilles de mes deux fillettes. Elles sont encore très marquées. J'ai dû supplier les djihadistes de nous laisser repartir. Ils nous ont interdit de récupérer les habits des enfants qu'ils avaient éparpillés sur la route lors de la fouille. Plus au nord, dans un hameau isolé, nous avons croisé un vieil homme qui nous a dit que l'armée rouge venait d'arriver ici. Nous avons donc décidé de bifurquer pour rejoindre Ourga, où nous nous trouvons depuis hier matin. » Verkhotourov regarda droit dans les yeux le gouverneur et lui confia avec conviction « Vous avez eu de la chance que vos filles aient été aussi petites et qu'il ne vous ait pas privé de votre épouse. Parmi les réfugiés, on dénombre déjà 400 jeunes femmes disparues. » Cette nouvelle ébranla Zamok. Il se voûta sur sa chaise. Il éclata en sanglots. Verkhotourov se leva pour quitter la pièce. En passant à la hauteur de l'homme brisé, il lui tapota le dos. « Ne vous inquiétez pas. Les troupes qui protègent la ville sont issues de la 284e division des fusiliers de Sibérie, les fameux Amourski partisans, la crème de l'armée fédérale, placée sous les ordres du général Negoborov et de son armée rouge. Ils n'ont rien de commun avec les pleutres qui dirigeaient votre milice à Kemerovo. Nous allons nous occuper de ces moudjahidines, faites-nous confiance. » Verkhotourov sortit du bureau du directeur de la maison de la culture d'Ourga et monta dans la voiture militaire qui l'attendait sur le parking. Il fit route à 12 kilomètres au nord de la bourgade, en direction d'un lieu-dit désigné sous le nom de ferme du Koulak, où se tenait, sur le théâtre même des opérations, le conseil de guerre des Volkodlaks. Cette vieille mais robuste ferme de la fin du XIXe siècle avait vu son propriétaire et sa famille déportés dans un camp du Grand Nord sibérien en 1932, lors de la grande découlakisation ordonnée par Staline. La ferme avait servi un temps de siège pour un kolkhoz. Elle fut abandonnée quand les paysans préférèrent aller travailler dans les mines de charbon de Medjouratchensk. Après la chute du communisme, un oligarque originaire de la région l'avait achetée, remise à neuf, avant de se l'avoir confisquée par le centre des impôts pour payer un arriéré de fraude fiscale. L'ancienne bergerie avait été transformée en salle de conférence pour l'occasion. Dans ce lieu stratégique était venu spécialement de Moscou, en toute discrétion, Kozlov, le vice-premier ministre et les Volkodlaks concernés par les deux dernières phases de la stratégie d'éradication de la mouvance islamique. Outre Andrei Verkhotourov, le commandant des Oboros et concepteur du plan, Pierre Sernine, le tacticien, Arkady Makovozov, l'architecte, Léonid Kikov, le chroniqueur expert en communication, Alexandre Kuznetsov, le chef d'état-major adjoint, Marina Pavlova, la lieutenant-colonel, et bien sûr Jafar Akhamov, le chambellan, négociateur plénipotentiaire du président Popov auprès d'Ima Dedinov. Quand Verkhotourov arriva d'Ourga, le vice-premier ministre ouvrit le conseil de guerre en rappelant les trois phases du plan pour éradiquer l'islam radical. Après avoir amené par notre opération piège à ours Ima Dedinov à attaquer l'oblast de Kemerovo le 12 septembre, pour ne pas qu'ils s'en prennent à l'Altaï, il nous faut maintenant passer à la phase 2, opération Khan des Muets, assassinat du grand guide le 23 septembre, puis à la phase 3, assaut du Tokaristan et prise de sa capitale, Arsikouchi, le 25 septembre. Lorsqu'il eut la parole, le commandant des Oboros aborda l'attaque du 25 septembre appelée opération Maskirovka. Chers compagnons, pour le moment, le plan se déroule tel que prévu dans l'enchaînement des phases opérationnelles. La seule grande surprise est la force de frappe des islamistes d'Ima Dedinov. Nos rapports d'espionnage, qui tablaient sur 10 000 hommes de moins, n'avaient surtout pas prévu l'emploi de missiles d'aussi longue portée que les M-302 qui se sont abattus dans l'Altaï. Suite aux renseignements glanés le matin même auprès du gouvernement Georges Zamok, le commandant Verkhotourov précisa. Et puis, nous avions estimé leur victoire en 3 jours. je viens d'apprendre que l'effondrement de la milice locale, ainsi que l'engagement d'une division complète de mercenaires bosniaques, a précipité la chute de l'oblast dans sa quasi-totalité. Ne nous alarmons pas, l'essentiel est atteint. Nous avons amené Imadedinov sur le terrain que nous souhaitions. Nous avons 45 000 hommes, dont les Amourski Partisans, la division des fusiliers de Sibérie, qui sont soit dans le nord de l'oblast, soit à sa frontière. L'armada aérienne attend qu'on lui assigne des cibles. Les barbus vont être secoués le 25 septembre. Koslov précisa. L'état-major de l'armée de l'air va enfin pouvoir tester le tout nouveau Beriev A-100, notre nouvel avion radar, qui fera de l'AWACS américain une antiquité bonne à mettre au rebut. Pierre Cernin, le tacticien éminence grise de Koslov, prit la parole. Il tourne au-dessus de la région de Kemerovo depuis hier. Il effectue tous les réglages et observations nécessaires à l'offensive du 25, jour de l'Aïd el-Kébir. Ses premiers rapports nous ont permis d'enclencher un programme de traqueurs numériques qui ne lâche plus les différentes batteries de missiles ou de roquettes de l'ennemi après qu'elles aient tiré une fois. Grâce à ce système de téléguidage, nos avions et nos hélicoptères doivent pouvoir les débusquer et les mettre toutes hors d'état de nuire en moins de 2 heures avant l'attaque. Le chef d'état-major adjoint, Alexandre Kuznetsov, ajouta « Paradoxalement, leur engagement massif et leur équipement militaire sophistiqué va les perdre. Notre assaut est aussi capable d'identifier des concentrations anormales d'armes. Bref, il peut détecter des régiments en mouvement et les signaler aux unités les plus appropriées et les plus proches. » La lieutenant-colonel Marina Pavlova s'enthousiasma. « Elles vont en prendre plein la poire, cette fois, les veuves noires. » Arkady Makovozov, l'architecte, surenchérit. « Imadedinov a regretté d'avoir causé des destructions au cœur de nos villes avec ses attentats kamikazes sanglants. » La discussion sur ce point s'acheva par la répartition des rôles lors de l'assaut du 25 septembre. Tout le reste était du ressort du général Negoborov et de son armée rouge, qui avait intégré dans ses rangs les Amourski Partisans. Koslov assura habilement la transition pour passer au sujet suivant. « Avant de nous engager dans cette troisième phase, prenons garde de ne pas brûler les étapes. Nous risquerions de nous brûler les ailes. Songeons pour l'heure à la deuxième phase de notre plan, l'assassinat d'Imadedinov, programmé le 23 septembre. Pour savoir où nous en sommes dans la préparation, je laisse la parole au chambellan responsable de l'opération, Jafar Rakhamov. »